France de... Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est férié, mais c'est ouvert sur France Culture. Un autre jour est possible en ce vendredi 1er mai, votre réveil culturel, avec dans un instant François Chalin pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée aux faces cachées de l'architecte urbaniste Le Corbusier. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Je serai avec Nicolas de Crécy qui publie chez Casterman un manga, La République du Catch. Exposition Le Corbusier au Musée national d'art moderne à Paris. Je dis la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciels, mais non pas des gratte-ciels américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas, mais des gratte-ciels modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libre, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrade, surélevées, là, quand elles sont en transit. Les faces cachées du Corbusier par François Chalin, aujourd'hui, dernier épisode de cette série. Bonjour François Chalin. Bonjour. Je rappelle le titre de votre ouvrage édité au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, Un Corbusier. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on sait le moins du Corbusier, c'est-à-dire ses échecs. Oui, enfin, c'est une façon un peu triste de terminer, mais surtout que mon livre n'est pas du tout un livre à charge. Hein, j'ai voulu brosser un caractère dans ses qualités et ses défauts. Mais, alors, ses échecs, si vous voulez qu'on parle de ses échecs. On peut pas dire que ce soit un échec, d'abord, sa vie. Hein, sa vie est un magnifique succès, sa trajectoire est sublime, et l'image qu'il laisse est celle d'un prodigieux architecte, des prodigieux inventeurs. Quelques échecs, on pourrait... Mais il y a deux échecs, à mon avis. C'est son urbanisme qui, à mon avis, peut être perçu comme un échec. D'abord, les cités radieuses. On a parlé hier de la cité radieuse de Marseille, qui a eu quelques difficultés de lancement, mais qui aujourd'hui est un des immeubles les plus prisés de Marseille. Extrêmement prisé, habité par des gens qui s'arrachent les appartements à grand prix. Enfin, c'est devenu un immeuble de grande notoriété, qui a une très grande valeur immobilière. Les autres, faits sur le même modèle, le premier par une coopérative à Rezé, près de Nantes, puis ensuite à Briey, en Moselle, et puis à Firminy, de près de Saint-Étienne, ont connu des vies beaucoup plus difficiles. Des vies beaucoup plus difficiles, d'abord qu'ils étaient plus modestes, ils étaient plus étriqués, les dimensions n'étaient pas les mêmes. Donc c'était une des inventions spatiales, de la grandeur et de la beauté, même physique, de Marseille, ne s'y trouvait pas avec la même intensité. Et puis ils se sont trouvés construits pour des populations qui n'étaient pas désireuses. Des populations ouvrières, des populations immigrées, des populations touchées par les difficultés, notamment touchées à Briey par l'effondrement de la métallurgie de Lorraine et à Firminy par l'effondrement du bassin de Firminy. Tout ça dans les mêmes années, les années 75, 73, 75. Donc ce sont des bâtiments qu'on a failli détruire. On a failli détruire celui de Briey. Il a été fermé plusieurs années. Maintenant, on l'a rouvert. Il marche à peu près. Mais enfin, ce ne sont pas d'immenses succès. Pour des raisons, parce que l'architecture n'est pas indépendante, bien sûr, de la sociologie locale, de l'économie locale, et notamment du désir qu'ont les gens d'habiter dans des immeubles d'exception. Or, c'est des immeubles d'exception. Il faut adhérer aux valeurs. Il faut se sentir un peu pionnier de quelque chose, sinon on y est mal, quoi. Mais ce qu'on reproche le plus à Le Corbusier, et c'est débattu parmi les architectes, est-il responsable des grands ensembles ? Alors, qu'est-ce que c'est que le grand ensemble ? C'est une forme urbaine que la France a pratiquement inventée, mais que d'autres pays ont construite, en Russie, en Roumanie, dans pas mal de pays. Mais la France est le grand pays du grand ensemble. Ce sont donc ces blocs, de 10 000, 40 000 habitants peut-être, parfois, construits d'un seul jet pour loger dans des périodes de crise, construits surtout dans les années 60, et qui, très très vite, ont connu des difficultés. Difficultés dues à l'ennui, le fameux ennui des grands ensembles, difficultés dues à ce que rapidement les populations qui n'étaient pas des populations pauvres à l'origine, étaient des populations, disons, petites bourgeoises qui habitaient les grands ensembles, se sont trouvés mal. Leurs femmes s'ennuyaient beaucoup, les hommes allaient travailler, les femmes ne travaillaient pas à l'époque, elles s'ennuyaient énormément à Sarcey-Boyeur. Toutes ces populations rapidement sont parties, ont occupé des pavillons en général, ou sont rentrées en ville. Et puis sont arrivées les vagues successives de gens poussés par la misère, souvent des immigrés, notamment les grandes vagues d'immigration que l'on connaît. Alors, les grands ensembles sont l'image même du désastre urbain aujourd'hui. Ils ont été interdits d'ailleurs en 1973. Que doivent-ils à Le Corbusier ? Est-ce que c'est vraiment les architectes qui aiment beaucoup Le Corbusier ? En général, ils disent ça n'a rien à voir avec Le Corbusier. Ça a été construit par des prix de Rome, des académistes, des gens d'un formalisme total. Ils n'ont rien compris à Le Corbusier. Et pourtant. Mais c'est pas vrai, parce que certains ont été construits par Zerfus, qui était un dithyrambe. Certains ont été construits par Voginski, qui était son numéro 2 de sa propre agence, ou par Candilis, qui était son numéro 3 ou 4. Les grands ensembles sont totalement le fruit de cette époque, de cette période. Et d'un certain nombre d'idées de Le Corbusier, qui sont la bonne orientation par rapport au paysage et par rapport à la lumière, et qui sont la non-articulation du bâtiment par rapport à la rue. Donc le bâtiment devient une chose assez autonome par rapport à la rue, que les architectes urbains se reprochaient beaucoup autrefois à la ville ancienne. La rue, la parcelle, toute cette... Les architectes y reviendront dans les années qu'on appelle post-modernes, la fin des années 70, quoi. Alors, bon, c'est un débat. C'est un débat, il est évident qu'il y a un legs de Corbusier. Le grand ensemble a été vécu comme un progrès. Les gens, ça n'a pas été très long. Il n'a pas bénéficié de très longtemps de cette idée de logement modèle, de logement idéal. Et puis, bien sûr, c'était construit avec des difficultés financières, assez mal, dans un béton préfabriqué qui était sonore. Il y a des défauts. Mais il y a quand même des qualités dans les grands ensembles. Il y a des salles de bain magnifiques. Il y avait jamais vu dans le logement social ou semi-social. Il y avait des grandes fenêtres qui éclairaient magnifiquement les appartements. Il y avait beaucoup de progrès dans le grand ensemble. Simplement, ce progrès aujourd'hui a été balayé par toutes sortes de représentations, autant de difficultés qui sont venues s'y greffer. On pourrait parler donc d'un échec de Le Corbusier, mais ce ne sont pas ses œuvres mêmes à lui qui sont en cause. Oui, mais est-ce qu'il s'est vraiment imaginé le monde d'aujourd'hui ? Est-ce que sa projection n'était pas fausse parce que il oubliait tout ce qui aujourd'hui nous angoisse, c'est-à-dire l'écologie, notre envie d'avoir un air sain, de payer de ne pas polluer la planète. L'écologie, on peut pas lui reprocher d'avoir été anti-écologique, bien au contraire, bien sûr. Parce qu'il aimait beaucoup le paysage, il avait un rapport quasi mystique au ciel, aux étoiles, enfin il y avait quelque chose un peu parfois d'animiste. Et l'écologie n'existait pas comme discipline scientifique où les difficultés qui sont nés de la modernité n'étaient pas aussi sensibles dans les années 50 et 60. C'est apparu plus tard, ce thème d'écologie. C'est apparu à peu près au moment de sa mort, quoi. Les premiers balbutiements d'écologie, c'est la fin des années 60. Il est mort en 65. Donc on ne peut pas tout à fait lui reprocher ça. Il ne pensait pas non plus que la voiture deviendrait à ce point une nuisance. Les gens n'avaient pas de voiture. Donc lui, il pensait des villes pour voitures, mais les gens avaient des vélos ou des mobylettes pour aller dans ses propres immeubles. Les plus riches avaient des voitures. Les immeubles ont dû s'adapter. François Chalin, peut-être qu'il ne s'est pas projeté très précisément sur le futur qui est aujourd'hui notre présent. Oui, mais comment se projeter complètement sur le futur ? Le mode commercial, il ne pensait pas. Personne ne pensait en 1952, quand était inaugurée l'unité de Marseille, qu'une petite rue marchande dans un immeuble, ça n'avait aucun sens, que les gens se rueraient dans des hypermarchés. Ça n'existait pas, les hypermarchés. Ils ont été créés justement dans ces années-là. Inventés en Amérique dans ces années-là. Donc, le monde basculait sans qu'on puisse tout à fait l'imaginer. Quelles sont les villes qui plaisaient au Corbusier ? Ben, il a beaucoup voyagé, je ne sais pas bien. Il faisait des blagues aussi. Il est allé à New York, il a dessiné New York, il a trouvé que c'était pas assez culotté, que c'était pas assez haut, etc. Il faisait des plaisanteries. Je ne sais pas bien ce qui lui plaisait. Est-ce que des villes lui plaisaient ? D'ailleurs, en général, je ne suis pas extrêmement sûr. Il disait que Marseille lui plaisait. Il allait souvent à Marseille. Il aimait, il a beaucoup voyagé en Allemagne, il a beaucoup voyagé jusqu'en Orient, en Turquie, il a passé par la Dalmatie, tous ces pays de l'ancienne Yougoslavie. Il a aimé tout ça, il dessinait beaucoup tout ça. Il a aimé beaucoup la morphologie physique de Rio, par exemple, ces énormes montagnes et pics de pain de sucre et blocs de roche, tout ça. Il a aimé ça, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des villes qui lui soient jamais apparues comme des modèles, en tout cas, certainement pas. Dans quelle maison finira-t-il sa vie, Le Corbusier ? Ben, il a fini sa vie dans un cabanon, un petit cabanon en bois qu'il avait construit pour sa femme avant qu'elle ne meure. Elle est morte assez vite, dont il était très content. C'est une sorte de maison de vacances. une sorte de maison de camping, on pourrait dire, squattée d'ailleurs sur le terrain d'un ami à Roquebrune, Cap-Martin. 3 mètres 26 par 3 mètres 26, c'est une assez petite maison. C'est comme il appelait le cabanon. C'était en planches et en bois. Le lavabo était un petit lavabo en tôle, comme dans un train, comme de seconde classe. Tout était extrêmement, la couche, le lit était une sorte de couche en bois avec un matelas dessus. Un endroit extrêmement fruste. Il s'était vu un peu comme un ermite, quoi. L'été, il vivait comme Heidegger dans son chalet. Ça le rapproche encore un peu d'Heidegger dont on parlait il y a deux jours. Et il aimait assez quand même la vie austère. C'est pas du tout un homme qui a vécu dans le luxe, hein. Son appartement de Paris était assez beau, mais enfin, c'est pas un homme qui aimait forcément le luxe. Il aimait peu le luxe. Il ne s'est pas tellement enrichi. Il a dépensé tout son argent dans le travail, même s'il ne payait pas beaucoup ses cavalotos, ou pas du tout. L'entièreté de ses revenus est passée dans la création et le travail, et l'investissement intellectuel. Architecte audacieux, théoricien de grande qualité, c'est ce que vous avez raconté durant toute cette semaine. À propos même au prix de l'erreur. Hein. Oui, toute cette semaine autour du Corbusier, mais très peu finalement d'œuvres. Alors pourquoi aujourd'hui encore, François Chalin, on célèbre le Corbusier, et pourquoi aujourd'hui il reste le grand architecte français du XXe siècle? On célèbre le Corbusier parce que d'une part parce que la cohérence de la pensée et son adéquation aux idées avant-gardistes des années 20 et 30 est considérable, et on le célèbre parce que les œuvres en elles-mêmes sont, et ça c'est une chose stupéfiante, les œuvres sont stupéfiantes, soit l'innovation, soit la beauté plastique, soit les émotions qui en naissent pour quiconque aime un bâtiment, qu'il s'agisse d'un bâtiment de Viollet-le-Duc ou de Michel-Ange, ne peut qu'être totalement fasciné par la grandeur comme architecte de Le Corbusier. Et on va terminer, si vous voulez bien, cette série François Chalin, en rappelant d'une part votre livre que je vous recommande vivement, c'est dans la collection Fiction et compagnie, édité au Seuil, Un Corbusier, et par votre top 5 des déconstructions du Corbusier. Oh là, vous me prenez de court, je les aime toutes. Ouais, non. Il va falloir une sélection. Alors, des 5 meilleurs. La Villa Savoie, la Chapelle de Ronchamp, le couvent de la Tourette, la cité radieuse de Marseille, et peut-être la villa Kourouchek à La Plata, mais c'est un peu plus loin. Merci beaucoup François Chalin, ça a été un plaisir de vous réentendre sur France Culture et de vous avoir cette semaine pour nous parler du Corbusier. Désormais, la série Les faces cachées du Corbusier par François Chalin est à votre disposition pour le podcast, l'intégralité de la série. Merci beaucoup François Chalin, à très bientôt. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Nicolas de Crécy. Bonjour. Avant de parler de votre dernier roman graphique ou dernière bande dessinée, et aujourd'hui je rajouterai ou dernier manga, La République du Catch, un mot peut-être pour Le Corbusier, puisqu'on termine cette série consacrée au Corbusier. Est-ce qu'il a compté pour vous? La seule chose qui m'est un petit peu marquée du Corbusier, en dehors de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît habituellement, c'est des croquis que j'ai pu découvrir. Il me semble que j'ai vu ça à la Cité de l'Architecture. Il y avait une exposition et il y avait quelques croquis d'architectes et des croquis du Corbusier qui étaient assez étonnant, parce que très très sensible, avec des couves. Il me semble que c'était juste avec quelques crayons de couleur, le trait était très sensible, très... oui, vraiment sensible, assez juste, assez en contraste avec son architecture, en fait. J'étais très étonné de découvrir ça, ça m'a beaucoup plu. Et pour son architecture, justement, Nicolas de Crécy? De ce que j'en connais peu, de ce que j'en connais, c'est la cité radieuse dans laquelle j'ai dormi, parce qu'enfin il y a un hôtel dans la cité radieuse, et c'est vrai que c'est assez particulier. Ce qui m'a marqué surtout, c'était l'étroitesse de la chambre, c'est-à-dire qu'elle était, c'était comme un espèce de couloir, et je me rappelle que en levant les bras, je touchais les deux murs. Voilà. Bon, je suis relativement grand, mais quand même, c'était particulier. Merci, parlons maintenant de votre actualité. La République du Catch, c'est un manga ou un style de manga? Le manga européen ou le manga français, peut-être qu'un jour on va officialiser ce genre, ce sous-genre. La République du Catch qui sort simultanément en France chez Casterman et au Japon, où il a été pré-publié dans une revue. Et en même temps, on ressort vos premières bandes dessinées, Nicolas de Crécy, Folie Gâteau, Bibendum Céleste, aux humanoïdes associés. Et puis bien sûr, on vous doit la série Léo Lacam, Journal d'un fantôme, Période glaciaire. En 2008, vous êtes lauréat du programme de résidence à la Villa Kujoyama, c'est à Kyoto. Est-ce que c'est là que vous découvrez l'univers des mangas? Ou est-ce que d'abord, Nicolas de Crécy, est-ce que ça a été un choix plutôt que d'aller à Rome, à la Villa Médicis, vous avez choisi Kyoto? Je serais volontiers allé à Rome, mais le problème c'est que la bande dessinée n'est pas assez, c'est pas un domaine assez prestigieux pour qu'on puisse aller à la Villa Médicis malheureusement. Mais j'ai toujours été attiré par le Japon et par plein de choses, pas obligatoirement le manga, mais par la société japonaise, par le quotidien japonais, que j'avais vu un peu en 2004 au cours d'un voyage que j'avais fait pour Casterman, où j'avais fait une histoire qui s'appelait Les Nouveaux Dieux, enfin c'était par rapport au graphisme japonais. Et en fait j'y suis retourné, donc j'ai postulé pour la Villa Kujoyama, et j'ai eu la chance d'être reçu, donc j'ai passé 6 mois là-bas, et c'était une expérience absolument extraordinaire, parce que ça permet, ces résidences artistiques sont vraiment particulières, parce qu'elles permettent vraiment de travailler, d'être tranquille, de penser à rien d'autre qu'à son travail, et en même temps de découvrir un pays nouveau et une culture nouvelle. Donc pour moi ça a été vraiment, ça a été très important. De là n'a pas découlé le manga que j'ai fait finalement, parce que moi je suis d'une génération qui n'a pas grandi avec le manga, donc c'est vrai que je connais assez peu, j'en connais pas les codes, je connais assez peu tous les auteurs importants dans le monde du manga, parce qu'il y a une telle production, c'est d'une richesse extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire, de résumer le manga et de dire voilà c'est comme ci ou c'est comme ça, c'est assez compliqué d'avoir une vision générale de ce domaine artistique. Alors, comment est née cette envie de faire un manga? Parce que c'en est un, La République du Catch, et qui sort aujourd'hui. En fait, c'est une demande d'un éditeur japonais, et ce qui est très rare, parce que, évidemment, ils ont tous les auteurs qui veulent à disposition, enfin, tous les mangaka au Japon, vu la production en question. Et en fait, c'est une histoire assez longue, c'est que il y a une ouverture depuis à peu près 4-5 ans, c'est assez récent, du lectorat japonais par rapport à la bande dessinée européenne. Ça s'est fait d'abord par les mangaka qui sont toujours intéressés, les grands dessinateurs se sont toujours intéressés à la bande dessinée européenne. Otomo, par exemple, connaît très bien cette bande dessinée. Taniguchi aussi, il connaissait mon travail depuis longtemps. Et en fait, il y a eu des traductions de mes titres, à peu près depuis 2009-2010, ça a commencé en 2009-2010 et ça marchait à peu près correctement. C'est pas un des tirages énormes, mais ça a marché correctement. Donc voilà, il y a eu 5 titres et je pense que de là, le rédacteur en chef de cette revue qui s'appelle Ultra Jump m'a contacté en me disant: est-ce que vous voulez participer directement à la revue? Ce qui ne s'est jamais fait, hein, pour un auteur non japonais. Enfin, s'il y avait une petite expérience qui avait été menée il y a une quinzaine d'années avec l'éditeur qui s'appelait Kodansha, mais avec Baudouin notamment et Baru qui avaient fait des très belles choses. Mais là, il n'y a rien de nouveau depuis, et puis c'était quelque chose de collectif, alors que là, ils m'ont demandé spécifiquement. Donc ça ne se refuse pas, c'est vraiment c'est quelque chose qui ne se refuse pas. C'est un contexte éditorial qui est différent, qui est nouveau, et en ça, il est intéressant, il est très très, très motivant. Alors effectivement, vous avez bien fait de rappeler qu'il y avait les précédents avec Baudouin et avec Baru. Baru qui a fait donc peut-être la bande dessinée la plus célèbre de son œuvre, hein, l'autoroute du soleil. J'espère le même succès pour La République du Catch, pour vous, Nicolas de Crécy. Alors s'il fallait parler de cette histoire et de son univers surtout, du lieu qui est indéfini, bon, mais c'est plutôt l'Occident, des personnages... Ça, c'est votre univers, un manchot pianiste, un bébé assassin, des fantômes qui viennent à la rescousse d'un vendeur de piano ciblé par la mafia locale, des courses-poursuites comme dans un polar, des règlements de compte violents comme dans un film de Takeshi Kitano. Il y a aussi cette poésie dans les traits, dans vos crayonnés, le non-sens qui retrouve le fantastique pour aborder le réel. Il y a aussi toutes les mythologies, hein, la musique surtout, très présente, le crime, l'enfance, et puis bien sûr le catch, on imagine que c'est un clin d'œil pour le sumo, le catch. Oui, en fait, toute l'histoire a été construite un peu comme ça, c'est-à-dire en allusion à ce que pouvait comprendre, enfin, pour me rapprocher du public japonais, mais sans parler de choses spécifiquement japonaises. C'est-à-dire que j'ai fait, voilà, une sorte de traduction. Les mafieux, c'est les yakuza. Enfin, moi, j'ai mis en scène des mafieux, mais évidemment, il y a les yakuza. Le catch est apprécié au Japon. C'est quand même quelque chose qui est apprécié au Japon, peut-être par son côté déguisement et son côté théâtral. Je pense que ça peut jouer. Et qui peut être aussi qui peut aussi un petit peu symboliser le sumo. C'est-à-dire ces combats qui sont très cérémoniales. Il y a tout un cérémonial autour du sumo et qu'on peut retrouver dans le catch. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important dans la culture japonaise, c'est la culture des yokai, c'est-à-dire des fantômes japonais. C'est toute la mythologie japonaise est construite sur ces personnages assez particuliers. C'est difficile de les décrire parce qu'il y en a, énormément et de toutes sortes. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le cinéma de Miyazaki, qui est très inspiré par cette mythologie des yokai. Et donc, moi, je les ai présentés, mais pas comme des yokai, mais comme des fantômes, et des fantômes de catcheurs. Donc, au sein de l'histoire, il y a un antagonisme entre les vrais catcheurs, qui sont au service des mafieux, et ces fantômes de catcheurs, qui sont qui incarnent un peu la faiblesse. Et la faiblesse qui revient sur le devant de la scène, ces personnages reviennent sur le devant de la scène, parce qu'ils ont été sensibles à la musique. La musique qui vient de ce piano qui se déplace, enfin bon, tout ça est un peu compliqué à expliquer. Comme il y a des choses qui sont très visuelles, c'est vrai que c'est un peu difficile à traduire en mots, mais voilà, il y a tout un. Je vais dans plein de directions différentes, plein de sens différents, mais en essayant de faire attention que ce soit accessible au public japonais, parce que c'était le premier lectorat était japonais quand même. Bon, je dirais les deux publics, hein, c'est-à-dire aussi bien le public occidental que le public japonais. Oui, c'était l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose de je dirais pas d'universel, parce que c'est un petit peu prétentieux, mais qui soit compréhensible par les deux publics. Et c'est vrai que ça passait donc il y a un côté feuilleton aussi, parce que ça passait en mensuel, donc il y avait à peu près 35 pages mensuelles qui passaient dans cette revue Ultra Jump. Donc il y avait aussi cette dimension un peu particulière du feuilleton qu'on sent peut-être pas vraiment une fois l'album terminé, mais qui me permettait de jouer un petit peu sur ce côté très dynamique qui pour moi caractérise quand même le manga, où à chaque page il doit y avoir comme une sorte de mini suspense qui fait qu'on doit il faut absolument qu'on tourne la page pour savoir ce qui se passe. Enfin bon, c'est pas spécifiquement japonais, mais ça l'est dans la dynamique de la mise en scène, qui est vraiment quelque chose de très très fort dans le manga. C'est que ça ressemble un petit peu à du storyboard d'animation, alors que nous, notre bande dessinée est peut-être plus littéraire, plus elliptique. Le manga est plus dynamique, plus corporel entre guillemets, c'est-à-dire que c'est les corps qui bougent et qu'on suit au sein de la page. Mais vous le saviez, Nicolas de Crécy, si les Japonais ont fait appel à vous, c'était aussi pour avoir votre univers. Certainement. Oui, il y a une certaine singularité. Alors, je ne sais pas pourquoi l'univers que j'ai mis en place dans mes nombreux albums sont. Les Japonais, ils sont sensibles. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais là, c'était particulier parce que je devais créer en ayant conscience que ça devait parler aux Japonais, ce qui n'était pas le cas de mes autres albums que j'ai fait sans penser à un public particulier. Donc. J'ai essayé de décrypter dans mes albums précédents ce qui pouvait intéresser les Japonais, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle, il ne faut pas travailler comme ça. Après, je suis allé effectivement dans ce que j'aimais faire, et puis voilà, sans me poser plus de questions. Nicolas de Crécy, est-ce que l'écriture japonaise et l'écriture française, c'est un peu la même chose ? C'est-à-dire c'est vraiment d'ordre technique. Je suppose que lorsque vous livrez vos planches à l'éditeur japonais, au journal japonais, toutes les écritures, c'était plutôt une traduction. Oui, bien sûr, c'était une traduction. Moi, j'écrivais évidemment, enfin, je ne parle pas japonais, malheureusement, c'est une langue assez difficile à maîtriser, et oui, c'était une traduction. Après, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans le manga, c'est les onomatopées, c'est-à-dire beaucoup de choses qui jouent sur les onomatopées. Il y a même une onomatopée pour le silence, c'est-à-dire que quand il y a du silence, on le marque, c'est quand même assez étonnant. Et donc j'ai voulu jouer là-dessus, et j'ai demandé à mon éditeur qu'on essaye de C'était assez compliqué à faire, en plus vu les délais qui étaient assez courts, je devais quand même produire à peu près 22 ou 23 planches par mois, ce qui est énorme. C'est pas dans, voilà, on n'est pas dans la cadence européenne. Et donc je voulais mettre en place ce système d'onomatopée, mais traduite. Mais le problème, c'est que mon éditeur m'a dit, on va reconnaître que l'onomatopée n'est pas de vous, que ça a été dessiné par quelqu'un d'autre et que c'est pas de votre main, donc on peut pas le faire. Parce que les lecteurs vont voir que c'est pas vous qui les avez dessinés. Ça, je trouvais ça assez étonnant. C'est-à-dire que l'onomatopée fait partie du graphisme propre de presque du dessin, en fait. Mais de fait, l'écriture japonaise, la kanji, c'est du dessin. Donc c'est vrai qu'à la base, c'est pour ça que le dessin est si fort, à mon avis, au Japon, et que la bande dessinée fait partie de la culture, c'est que l'écriture, c'est du dessin. Comment vous avez fait pour travailler autour de ce projet? Est-ce que vous avez d'abord imaginé les personnages, les événements, les actions, les scènes d'action? Comment passer d'un événement à l'autre? Comment développer l'intrigue? Ou tout cela venait au fur et à mesure de la cadence imposée par le journal, c'est-à-dire un mensuel japonais? Ça s'est fait, en fait c'est une histoire qui s'est faite en plusieurs étapes. En premier lieu, c'est parti d'un projet de court-métrage que j'avais avec un producteur japonais. Ça date de 2005. Et les personnages principaux étaient posés, c'est-à-dire qu'il y avait le personnage du manchot qui joue au piano, il y avait le petit personnage du vendeur de piano, il y avait la petite catcheuse. Je l'avais mis en place pour moi c'était quelque chose de, voilà, c'était du cinéma, c'est-à-dire que c'était très visuel et il y avait la musique était importante et était mise en scène justement avec ce piano. Mais le court-métrage n'a pas pu se faire pour des problèmes de production assez complexes. Mais j'aimais beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup l'idée. Donc quand j'ai eu cette demande d'Ultra Jump, de la revue Ultra Jump, je me suis dit que j'allais revisiter cette histoire, j'allais la développer. Parce que un court-métrage qui devait faire 15 minutes, ce qu'on dit dans un court-métrage de 15 minutes, et une bande dessinée développée sur 200 pages, c'est très différent. Donc ça m'a servi en fait de base à l'histoire, et après j'ai écrit un synopsis très précis que j'ai dû montrer quand même au rédacteur en chef pour qu'il le valide. Donc il m'a dit oui, c'est étrange, c'est particulier, mais ça nous plaît, allons-y. Et donc j'ai dû me tenir quand même, parce que souvent quand je commence une bande dessinée, c'est vrai que j'aime bien improviser, je pose une trame et ensuite je vais dans des directions un peu plus ou moins improvisées. Là, j'ai pas trop improvisé, c'est-à-dire que je suis resté sur la trame que j'avais écrite dans le synopsis de départ pour pas déstabiliser le rédacteur en chef. Et puis ça se passe comme ça. Au Japon, effectivement, si on donne un synopsis, il faut pas trop s'en éloigner. Ça aurait pas été correct par rapport au... Merci Nicolas de Crécy. La République du Catch est édité par Casterman en France. On peut réécouter cette interview en passant par franceculture.fr, à la page de l'émission Un autre jour est possible, où on peut justement découvrir votre autoportrait que vous voulez bien nous faire partager. Merci Nicolas de Crécy. Merci.